Moby Dick ou le cachalot de Herman Melville. Traduction et adaptation de Philippe Jaworski. Réalisation Jean-Mathieu Zande. Huitième épisode. Impatient d'affronter Moby Dick sur l'équateur, dans des parages de pêche de la mer du Japon que fréquente le cachalot à ce moment de l'année, Ahab ne consent qu'à regret à mettre en panne pendant quelques jours pour réparer une fuite d'huile dans la cale. Le charpentier, après lui avoir confectionné une nouvelle jambe en os de cachalot, lui forge maintenant, à sa demande, un harpon exceptionnellement robuste et tranchant qu'il destine à sa proie. Au paroxysme de l'exaltation, Ahab rassemble autour de lui ses trois harponneurs païens, trempe l'arme dans le sang des trois marins et lui donne un baptême diabolique. « Ego non baptizo te in nomine patris, sed in nomine diaboli. » Une ou deux semaines s'étaient écoulées depuis que nous avions rencontré le joyeux célibataire qui rentrait au port ses cales pleines de barriques d'huile. Et notre navire glissait sur des eaux somnolentes dans la brume légère de midi, quand les nés du Pequod, nombreux sur le pont, se révélèrent de plus fins dépisteurs que les trois perdus des vigies dans la mâture. Une odeur fort peu agréable venait de la mer. Je parie qu'il y a dans les parages quelques-uns de ces cachalots que nous avons chatouillés l'autre jour avec des harpons à drague. Je savais qu'il ne tarderait pas à se trouver la quille en l'air. Stubb avait raison. Les vapeurs, en s'écartant devant nous, découvrirent un navire arborant le pavillon français, au flanc duquel était amarrée une de ces baleines que les pêcheurs appellent une baleine soufflée, c'est-à-dire morte de mort naturelle et qui flotte sur l'eau, cadavre sans propriétaire. L'odeur qu'exhale pareille masse est plus nauséabonde que celle de la peste dans une cité assyrienne quand les vivants ne parviennent plus à enterrer les morts. Une brise expirante nous rapprocha un peu plus du français et nous pûmes constater qu'il remorquait une seconde baleine, laquelle s'apparentait bien plus encore que la première à un bouquet odoriférant. Le gibier était bel et bien l'un de ces cachalots douteux qu'une formidable dyspepsie ou indigestion semble condamner à un complet dessèchement et à la mort. Mais nous le verrons. Nul pêcheur avisé ne s'éloignera dédaigneusement d'un tel animal, même s'il se fait une règle générale d'éviter les cachalots dits soufflés. Sapristi. Regardez, Flasque. Monsieur Stubb. C'est le manche de ma pelle à découper qui traîne sur l'eau dans ce fouillis de lignes qu'il a autour de la queue. Je sais bien que les Français ne briguent guère à la pêche et qu'ils mettent parfois à la mer pour des brisants qu'ils confondent avec des souffles de cachalots. Mais se contenter de nos reliefs comme fait celui-ci, ce mangeur de grenouilles est un vrai chacal. Pauvre diable, faites passer un chapeau, monsieur Flasque, et qu'en toute charité, on lui fasse cadeau d'un peu d'huile, car celle qu'il tirera de l'animal, personne n'en voudrait pour éclairer un cachot, pas même la cellule d'un condamné à perpétuité. Quant à ce paquet d'os secs qu'il remorque, à la réflexion, il pourrait bien contenir quelque chose d'infiniment plus précieux que l'huile. De l'ambre gris. De l'ambre gris. Je me demande si le vieux y a songé. Et cela vaudrait la peine d'essayer. Vous ne croyez pas, monsieur Flasque? Allons-y. Tout de suite, monsieur Stubb. L'ambre gris, resté longtemps une énigme pour les savants, désigne bien autre chose que l'ambre. C'est une substance ductile, comme la cire, qui dégage un arôme si puissant qu'on l'utilise généreusement pour la parfumerie, ainsi que dans la confection des bougies de luxe, poudres à cheveux et pommades. Les Turcs en font usage dans leur cuisine et en emportent à la Mecque pour la même raison que d'autres pèlerins emportent de l'encens à Saint-Pierre de Rome. Ce parfum rare et de grand prix se recueille exclusivement dans les entrailles répugnantes d'une baleine malade. Découvrir la fragrance incorrompue de l'ambre gris au cœur d'une telle putréfaction, n'y a-t-il pas là quelque chose d'extraordinaire ? Songez à ce que dit saint Paul dans la première épître aux Corinthiens. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Et rappelez-vous en outre ce passage de Paracelse où l'alchimiste suisse explique que c'est avec les excréments les plus fétides que l'on fabrique le meilleur musc. Mais je dois revenir à mon récit. Dès qu'il fut sorti de la cabine, Stubb rassembla l'équipage de sa baleinière et mit le cap sur l'étranger. En passant sous sa proue, il remarqua que la partie supérieure de l'étrave portait une sculpture en forme de gigantesque tige inclinée, peinte en vert et terminée par un bourgeon d'un rouge vif. Sur les bordages, il put lire « bouton de rose ». Tel était le nom romantique dessiné en hautes lettres d'or de cet odorifère en vaisseau. Il gagna le tribord du navire et se trouva alors tout contre le cachalot soufflé. Se bouchant toujours les narines, il hurla en direction du pont. La voix au bastingage était celle d'un marin de Guernesey qui se révéla être le second. Son canot le ramena rapidement au Pequod, où Akab attendait son rapport. Il mit ses mains en porte-voix et cria. « Non, capitaine ! Non !» Là-dessus, Akab se retira et Stubb retourna auprès du Français. Il remarqua alors que l'homme de Guernesey s'était maintenant enveloppé le nez dans une sorte de sac. Hey « Hé ! Qu'est-il arrivé à votre nez ? Il est cassé ! Je voudrais bien !» Et je préférerais même ne pas en avoir du tout. Mais vous, pourquoi pincez-vous le vôtre ? Oh, pour rien ! C'est un nez en cire que je dois maintenir en place. Belle journée, n'est-ce pas ? Et c'est terre ! Pour un peu en soirée dans une serre chaude. Pourquoi ne nous envoyez-vous pas un petit bouquet de fleurs, Mr. Roosevelt ? Par tous les diables, que cherchez-vous donc ici ? Allons, gardez votre sang-froid. Blague à part, savez-vous bien, monsieur Bouton d'Rosebud, qu'il est parfaitement absurde d'essayer de tirer de l'huile de ces baleines ? Quant à cet individu desséché là-bas, sa carcasse tout entière n'en donnera pas un verre à liqueur. Je le sais bien, mais voyez-vous, le capitaine n'en croit rien. C'est sa première campagne de pêche. Il était fabricant d'eau de Cologne auparavant. Mais montez donc à bord. Il vous croira peut-être, vous. Et je pourrai ainsi me libérer de cette sale corvée. Je ferai tout pour vous obliger, mon charmant ami. Une scène singulière s'offrit alors au regard de Stubb. Les marins sur le pont travaillaient le nez pointé vers le ciel comme autant de bouts dehors. De temps à autre, ils abandonnaient leur ouvrage et s'envolaient au sommet du mât pour respirer un air plus pur. Il en vit qui trempaient un tampon d'étoupe dans du goudron et le portaient à leurs narines, et d'autres qui, après avoir cassé le tuyau de leur pipe au ras du fourneau, exhalaient vigoureusement des nuages de tabac. Soudain, dans l'entrebâillement de la porte du water closet du capitaine, sous la dunette, apparut un visage courroucé. C'était le chirurgien du bord qui s'était réfugié dans ce qu'il appelait le cabinet pour éviter la pestilence, mais ne pouvait se retenir de lancer de temps en temps des cris d'indignation. Stubb jugea la situation favorable à ses desseins. Sondant l'autre avec prudence, il comprit que le marin de Guernesey ne soupçonnait nullement la présence d'ambre gris dans les viscères du cachalot soufflé. Comme ce brave homme haïssait l'ignorant prétentieux qu'était son capitaine, Stubb et lui eurent au fait d'élaborer un petit plan pour circonvenir et ridiculiser le français. Sous le couvert de son rôle d'interprète, le marin de Guernesey dirait au capitaine tout ce que bon lui semblait, mais comme venant de Stubb qui, pour sa part, débiterait toutes les sornettes qui lui passeraient par la tête. Voici venir ma victime, un Français de petite taille. L'apparence est frêle pour un commandant de bord. Favori et moustache bien fournie. Habillé en velours de coton rouge, une montre, des breloques. Distingué personnage. Que vais-je lui dire pour commencer, monsieur ? Eh bien, qu'il me paraît un peu gamin dans cette veste et avec ses breloques, mais je ne prétends pas m'ériger en juge. Il dit, capitaine, il dit que pas plus tard qu'hier, son navire a hélé un vaisseau dont le capitaine et le second, ainsi que 6 marins, sont morts d'une fièvre causée par une baleine soufflée qu'ils avaient amarrée. Et maintenant, monsieur ? Eh bien, puisqu'il réagit ainsi, dites-lui qu'après l'avoir soigneusement reluqué, je suis tout à fait persuadé qu'il n'est pas plus apte à commander un navire baleinier qu'un singe de Cap-Vert. Il assure, capitaine, que l'autre animal, le cachalot desséché, est bien plus dangereux encore que la baleine soufflée. Et il nous conjure pour notre salut de larguer ces poissons. Aussitôt, le capitaine se précipita à l'avant et ordonna à ses hommes de détacher les câbles et les chaînes qui maintenaient les baleines contre les flancs du navire. Puis il revint. Et maintenant, monsieur ? Voyons, laissez-moi réfléchir. Let me see. Oui. Vous pouvez lui dire que, à la réflexion, dites-lui que je l'ai roulé. Et lui et un autre, peut-être. Il dit, capitaine, qu'il est très heureux de vous avoir rendu service. Et maintenant, que dit-il ? Il aimerait que vous descendiez dans sa cabine pour boire une bouteille de vin de Bordeaux avec lui. Remerciez-le chaleureusement, mais traduisez-lui qu'il est contraire à mes principes de trinquer avec l'homme que j'ai filouté. Non, soyons sérieux, dites qu'il faut que je parte. Right. Il dit, capitaine, que ses principes lui interdisent de boire, mais que si le capitaine souhaite vivre un jour de plus pour boire, le capitaine aurait tout intérêt à mettre ses 4 pirogues à la mer et à déborder de ses baleines, car avec un calme pareil, elles ne s'éloigneront pas toutes seules. Stubb avait déjà enjambé le bastingage et regagné sa baleinière, d'où il héla le marin de Guernesey, lui expliquant qu'il allait faire tout son possible pour les aider en halant la plus légère des 2 baleines. Ainsi, pendant que les baleinières du français remorquaient dans un sens, notre premier lieutenant éloignait complaisamment son cachalot dans la direction contraire. Quand la brise se leva peu après, il feignit de larguer l'animal. Le français, de son côté, prit rapidement de la distance. Stubb fit alors force de rame vers le cadavre flottant pour y récolter les fruits de sa fourberie. Il saisit la pelle tranchante de la pirogue et se mit à creuser un peu en arrière de la nageoire latérale. Lorsque sa pelle heurta les côtes décharnées, on aurait cru le voir dégager de la grasse terre d'Angleterre des tuiles et des poteries de l'Antiquité romaine. L'équipage aidait son chef avec l'impatience fébrile des chercheurs d'or. Pendant tout ce temps, des nuées de volatiles piaillaient au-dessus de leur tête. Le découragement semblait gagner Stubb lorsque du sein même de cette abominable pestilence s'échappa l'effluve discrète d'un parfum qui s'insinuait dans la marée des exhalaisons fétides sans se laisser absorber par elle. Je l'ai. Un sac. Donnez-moi un sac. La chance appelle. Il plongea ses deux mains à l'intérieur et en sortit des poignées d'une substance qui ressemblait à du savon de Windsor. Le doigt s'y enfonçait facilement. Sa teinte était à mi-chemin entre le jaune et le gris cendré. C'était de l'ambre gris qui se vend une guinée d'or l'once dans n'importe quelle droguerie. On en récolta 6 poignées, mais on aurait pu en retirer bien davantage si n'avait retenti la voix forte et impatiente d'Akab. Monsieur Stubb, finissez! Et remontez à bord dans l'instant, faute de quoi le navire va vous faire ses adieux à vous et à votre équipage. C'était Moby Dick ou le cachalot de Herman Melville, traduction et adaptation de Philippe Jaworski. 8e épisode avec Christophe Giordano, Ismaël, Jean-Pierre Calfon, le capitaine Akab, Didier Brice, Stubb, Frédéric Lebray, Flasque, et Maurice Anthony, Olivier Arrigui, Nicolas Mid, Grégory Kidel, Abel Aboiliten, Pierre-Jean Pagès, Donatien Guillot, Jacques Leplus, Xavier Cato. Et avec Philippe Brunteau, disparu en mer. Bruitage. Patrick Martinache. Équipe de réalisation. Philippe Carminati, Adrien Roch, Marie Placet, Jean-Mathieu Zande. Moby Dick de Herman Melville est publié sous la direction de Philippe Jaworski à la Bibliothèque de la Pléiade.